Il reprit son marteau sur l'épaule. La foule, près de cet homme-là, se sentait l'âme saoule. Et dans la grande cour, dans les appartements, où Paris haletait avec des hurlements, un frisson secoua l'immense populace. Alors, de sa main large et superbe de crasse, bien que le roi ventru sua, le forgeron, terrible, lui jeta le bonnet rouge au front.